Il est 11h50, donc très tard. Vous écoutez France Culture et Place de la Toile. Nous allons parler pendant donc les quelques minutes qui nous restent, je suis désolé, j'ai encore été trop long, d'une question qui se pose assez peu, alors qu'elle est tout à fait essentielle, qui est celle de la typographie sur Internet, avec vous, Inès de Montesquieu. Bonjour à nouveau. Donc vous êtes responsable du pôle édition, du centre pour l'édition électronique ouverte, dont nous avons déjà parlé à l'occasion d'une émission sur l'édition numérique, ici même. Quand je vous ai joint pour venir discuter de ça, je vous ai dit, voilà, on va parler de la question de la typographie, des polices, etc. Vous m'avez dit, oulala, pauvre homme, vous avez une vision extrêmement réduite des questions de typographie sur le web et sur l'écran. Alors qu'est-ce que ça regroupe autre que la question de la police. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à réduire la typographie à un choix de police, à des questions de caractère, alors que c'est une discipline qui est plus large que ça. La typographie, c'est avant tout rendre un texte lisible. Et alors ça, rendre un texte lisible, c'est prendre tout le texte, donc travailler le texte pour l'afficher correctement, et aussi la page, toute la composition de la page. Donc voilà, ce n'est pas juste un choix de police, mais ça touche à énormément de techniques, de mise en forme. Parce que le web, finalement, c'est à 95% du texte. Encore. Oui, alors là, je peux faire référence à un article qui est apparu récemment qui dit que 95% du web design doit être de la typographie, en fait, un travail typographique. Pourquoi ? Justement parce que le web, c'est de l'information écrite. Alors, plutôt que de travailler le graphisme d'un site ou juste voilà, son identité graphique, peut-être qu'il faut d'abord se concentrer sur le travail sur le texte. Et en quoi ce travail-là est-il plus compliqué qu'il ne l'était, ou pas d'ailleurs, dans l'édition classique papier ? En fait, la typographie pour le web, c'est quand même avant tout reproduire tout l'héritage de la typographie papier. Pour moi, c'est ça. Mais la difficulté, c'est de récupérer cet héritage et de comprendre ce que c'est que la typographie, les règles typographiques, comment les appliquer sur le web. Après, il y a des difficultés, effectivement, en ce qui concerne l'affichage des textes, parce qu'on n'est plus dans un environnement papier. On a une page web qui est tout à fait verticale, qui est extensible. On a la composition des pages est extrêmement différente. Donc, il y a énormément de problématiques qui se posent. Mais pour moi, la typographie, c'est une discipline technique et artistique qui doit être reproduite sur le web, tout comme elle l'a été dans les documents imprimés. Mais du coup, les problèmes que vous soulevez, vous dites qu'il y a énormément de problèmes qui se posent, c'est lesquels ? C'est, il y a la question de la police qui est un des problèmes, mais là, c'est quoi ? C'est la question de l'espace, la question de la colonne, la question de la dynamique de la page ? C'est l'absence de maîtrise de la composition de la page. C'est l'absence de maîtrise d'une part du graphisme global, parce que c'est vrai qu'une page web sur une liseuse, sur un écran de 24 pouces, sur tout type de support, c'est extrêmement différent. Donc là, c'est une première chose. Et ensuite, c'est l'affichage du texte. C'est vrai que dans l'édition papier, on composait manuellement, donc ligne à ligne, tous les mots dans un texte pour faire une page qui soit dans une belle composition typographique et correctement lisible. Et c'est vrai que pour le web, on va définir un bloc, une longueur de bloc, dans lequel le texte va se fondre sans qu'on puisse maîtriser la place du mot, du caractère. Et sans qu'on puisse maîtriser, pourquoi ? Enfin, c'est y a pas d'outils qui permettent de maîtriser ça ? Disons que voilà, si le texte est mis, placé dans ce bloc, et après, par exemple, si un internaute veut agrandir la police via son navigateur, il va pouvoir le faire pour lire avec des caractères plus gros ou pas. Et donc le texte va se recomposer dans ce bloc et il ne va plus du tout avoir la même... il n'est pas fixe. Le texte est comme un flux et on ne peut pas dire ce mot-là se placera en début de ligne, tel autre en fin de ligne. Donc c'est un cauchemar en fait pour un typographe. C'est vrai qu'on a des choses assez catastrophiques. Alors la grande difficulté pour du texte en ligne, c'est qu'on va avoir, par exemple, beaucoup de blanc entre les mots. Ça casse ce qu'on appelle le gris typographique, qui est qui permet d'avoir des mots qui ont des espaces qui sont les mêmes les uns entre les autres. Ce qui crée une couleur particulière du texte. Ce qui crée une couleur, exactement. Et là, avec beaucoup de textes en ligne, on va avoir des blancs qui sont très extensibles entre les mots, qui vont en fait être des obstacles à une lecture fluide et lisible du texte. Et ça, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que depuis le temps qu'existe le web, il n'y a pas eu la création d'outils permettant de régler ce problème, ou alors est-ce qu'il est irréglable et qu'il est inhérent à ce que c'est que le rapport du texte sur le web. Alors je pense que c'est réglable, il y a beaucoup de choses qui se sont développées et qui se développent au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'au début du web, la question typographique n'était pas du tout posée. Il y a des nouveaux métiers qui ont émergé. Enfin, c'est vrai que la typographie, c'est très lié au monde de l'édition et de l'édition papier. Et ça a mis beaucoup de temps à être transposé sur l'édition en ligne. Et ces questions commencent à se poser actuellement. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir, sur un site web, appliquer des césures entre les mots, justement, pour éviter... Donc, pour la césure, c'est ce qui permet de couper un mot en fin de ligne pour éviter ce que les blancs s'agrandissent dans les lignes. Donc voilà, il y a des outils qui sont développés, mais ce n'est pas encore parfait. Mais pour essayer d'automatiser justement cette mise en place de césures, par exemple, au sein des mots, pour un texte qui est placé automatiquement dans un bloc. Et la question aussi du fait que le texte apparaît différemment selon le logiciel à partir duquel on le lit, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est cauchemardesque. Mais pour un graphiste qui pense son site comme étant fixe dans son aspect visuel, c'est un cauchemar. Après, l'idée, c'est de s'adapter. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de prévoir que sa page web va être lue en format HTML, mais aussi en format imprima, mais aussi en format surliseuse, et peut-être de prévoir... différents affichages et de laisser cette possibilité aux internautes de... Donc une multi-typographie en fait. Voilà. Et alors, si on revient juste sur la question des polices, ouais. Quand même, qui sont essentielles. Qui sont essentielles. Où on en est du point de vue des polices? Parce qu'il y a eu, au départ, les polices étaient principalement des polices en bâton simple. Aujourd'hui, on voit apparaître des empattements. Oui. Alors il y a deux familles de police, les familles de police sans sérif, donc les polices bâtons comme l'Arial, le Verdana, et les polices sérif, donc avec empattement comme le Georgia et le Times. Donc c'est vrai qu'au début du web, on utilisait principalement les polices bâtons, parce que les écrans étaient de mauvaise résolution, il n'y avait pas de lissage des polices, qu'on appelle ce qui permet de dessiner correctement le dessin des caractères. Et c'est vrai qu'avec l'amélioration des écrans, des techniques, des outils, on peut plus utiliser les polices comme le Georgia qui sont rondes et plus esthétiques, on va dire, à l'écran. Merci beaucoup. Donc ça a été un petit peu court. On mettra en ligne les textes que vous nous avez envoyés. C'était Place de la Toile, proposé par Xavier Delaporte avec la collaboration de Daphné Amgral à la technique. Aujourd'hui, c'était Alexandre Dang, réalisation de Daniel Fino. La semaine prochaine, on consacrera toute l'émission à un livre qui vient de paraître aux éditions du Pommier qui s'intitule « Voir et pouvoir, qui nous surveille ?» On le doit à Jean-Gabriel Ganassia et j'ai demandé à Jean-Marc Manac, journaliste indépendant, blogueur et spécialisé dans les questions de surveillance, de venir débattre avec Jean-Gabriel Ganassia. Il est 11h58, vous écoutez France Culture, dans quelques instants vous retrouverez Sophie Joubert et tout arrive, très bonne semaine à tous.